Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. Tout commença par un enlèvement. Celui d'Hélène, la femme de Ménélas, roi de Sparte, par le Troyen Paris. Et cela faisait maintenant presque 10 ans que les Achéens, venus reprendre Hélène à son ravisseur, affrontaient les Troyens devant leurs murs. Les villes aux alentours de Troie étaient souvent pillées et saccagées par les Achéens qui recherchaient vivres et femmes pour tenir ce siège. Un jour, lors du pillage de Thèbes, Agamemnon enleva Chryséis, fille de Chrysès, prêtre d'Apollon. Le père réclama vengeance à son dieu. Alors la peste s'abattit sur l'armée achéenne. Pour sauver ses soldats, Agamemnon n'eut d'autre choix que de rendre Chryséis aux siens. Mais un roi ne se laisse pas ainsi déposséder. Et en contrepartie, il ordonna à Achille de lui livrer sa propre femme, Briséis. Achille était le plus valeureux des soldats grecs, le plus colérique aussi. Sa rage fut telle qu'il décida de cesser dorénavant de combattre aux côtés des Achéens et se retrancha dans son campement. Depuis ce jour, des centaines de soldats étaient tombés dans la plaine séparant les navires achéens des remparts de Troie. Lors d'une offensive particulièrement âpre, Agamemnon fut blessé et contraint de rentrer dans ses lignes. Hector, le chef de l'armée troyenne, vit dans ce repli l'occasion qui l'attendait. Il ordonna à ses hommes de franchir le fossé et d'escalader le mur de défense des Achéens pour les affronter dans leur retraite. C'est alors qu'il reçut une pierre en pleine poitrine. Gravement blessé, il dut être ramené à l'abri par les siens. Mais alors que tous le croyaient sur le point de mourir, le chef des Troyens se releva, soudainement ranimé, pour repartir à l'attaque de plus belle. Dans son adaptation du récit d'Homère, de laquelle il a volontairement exclu les dieux, Alessandro Barrico passe sous silence le caractère miraculeux de cette improbable résurrection. Or, seule une intervention divine avait pu sauver ainsi Hector de la mort. Et en effet, sans la pitié et la bienveillance de Zeus, le fils de Priam aurait dû expirer près du fleuve du coup terrible qu'Ajax lui avait porté. Exalté par ce second souffle inespéré, c'est toute l'armée troyenne qui est alors repartie à l'assaut des Achéens, franchissant avec une facilité déconcertante le fossé puis leur mur de défense pour porter le fer jusque sur leur navire. Les Troyens ont désormais la victoire à portée de main. L'armée achéenne est en déroute. C'est alors que Patrocle, désespéré, décide d'aller trouver Achille dans sa tente. 7e épisode, Phénix. Ils étaient si jeunes que pour eux, moi, j'étais un vieux, un maître, un père peut-être. Les voir mourir sans rien pouvoir faire, c'est ce qu'a été ma guerre. Le reste, qui s'en souvient encore? Ce dont je me souviens, c'est de Patrocle qui entre dans la tente d'Achille, au pas de course, en pleurant. C'était ce jour de bataille féroce et de défaite. Il était impressionnant, Patrocle, comme ça, en larmes. Il pleurait comme pleure une petite fille qui s'accroche à la robe de sa mère et veut être prise dans les bras. Et même quand les bras de sa mère la prennent, elle continue de la regarder de bas en haut et de pleurer. C'était un héros et on aurait dit une petite, toute petite fille. « Que se passe-t-il ? » lui demanda Achille. « Des nouvelles de mort sont arrivées de chez nous. Est-ce ton père, peut-être, qui est mort, ou le mien ? Ou peut-être pleures-tu pour les Achéens qui meurent sous les nefs noires à cause de leur arrogance ?» Il n'abandonnait toujours pas sa colère, vous comprenez ? Mais ce jour-là, Patrocle, au milieu de ses larmes, lui demanda de l'écouter, sans colère, sans courroux, sans méchanceté, juste de l'écouter. Grande est la douleur, Achille, qui a frappé aujourd'hui les Achéens. Ceux qui étaient les premiers et les plus forts gisent blessés maintenant sur les navires. Diomède, Ulysse, Agamemnon. Les médecins s'empressent autour d'eux et essaient avec tout leur baume de panser leurs blessures. Et toi, guerrier terrible, tu restes là, enfermé dans ton courroux. Alors je veux que tu écoutes le mien de courroux, Achille. Ma colère. Tu ne veux pas combattre? C'est moi qui combattrai. Envoie-moi dans la bataille avec tes guerriers myrmidons. Donne-moi tes armes. Laisse-moi les revêtir. Les Troyens me prendront pour toi et ils s'enfuiront. Donne-moi tes armes et nous les repousserons jusque sous les murs de Troie. » Il le dit d'une voix qui suppliait. Il ne pouvait pas savoir qu'il implorait de mourir. Achille l'écouta. On voyait bien que ses paroles le troublaient. Finalement, il dit quelque chose qui changea cette guerre. C'est une douleur terrible qui frappe au cœur quand un puissant, grâce à sa puissance, vole à un homme ce qui lui revient. C'est cette douleur que je suis en train de subir, et c'est Agamemnon qui me l'a infligée. Mais c'est vrai. Ce qui a été ne peut plus être changé. Et peut-être qu'aucun cœur ne peut cultiver à jamais un courroux inflexible. J'avais dit que je ne bougerais pas tant que je n'entendrais pas le fracas de la bataille retentir sous mon navire noir. Ce moment est arrivé. Prends mes armes, Patrocle. Prends mes guerriers. Jette-toi dans la bataille et éloigne des navires le désastre. Repousse les Troyens avant qu'ils nous enlèvent l'espoir d'un doux retour. Mais écoute-moi bien et fais ce que je te dis. Si tu veux vraiment me rendre mon honneur et ma gloire, quand tu auras éloigné les ennemis des navires, arrête-toi. Ne les poursuis pas dans la plaine, cesse le combat et fais demi-tour. Ne me prive pas de ma part d'honneur et de gloire. Ne te laisse pas enivrer par le tumulte de la bataille et les hurlements qui t'inciteront à combattre et à tuer jusque sous les murs de Troie. Laisse ça aux autres. Et toi, Patrocle, fais demi-tour. Reviens ici. Puis il se leva, chassant toute tristesse, et dit d'une voix forte : Presse-toi maintenant, revêt mes armes. Je vois déjà les flammes du feu mortel s'élever autour de mon navire. Fais vite, j'irai rassembler les hommes. Qui étais-je pour les arrêter ? Peut-il un maître, un père, arrêter le destin ? Patrocle se revêtit de bronze éblouissant. Il mit les jambières magnifiques avec les renforts d'argent aux chevilles. Sur sa poitrine, il posa la cuirasse d'Achille. Elle brillait comme une étoile. À ses épaules, il passa l'épée ornée d'argent, puis le bouclier, grand et lourd. Sur sa tête fière, il posa le casque bien fait. En haut s'agitait, effrayant, le panache en crin de cheval. Enfin, il choisit deux lances. Mais il ne prit pas celle d'Achille. Celle-là, lui seul, pouvait la soulever. La lance de frêne dont Chiron avait fait présent à son père pour apporter la mort au héros. Quand il sortit de la tente, les myrmidons se serrèrent autour de lui, prêts pour la bataille. On aurait dit des loups carnassiers, pleins d'une grande force dans le cœur. À Troie, Achille était venu avec 50 navires, 5 troupes de guerriers commandées par 5 héros. Ménestios, Eudore, Pisandre, Alcimédon. Le 5e héros, c'était moi, Phénix le vieux. À eux tous, Achille parla d'une voix sévère. Myrmidon, vous m'avez accusé d'avoir un cœur de pierre et de vous garder sur les navires, loin de la bataille, uniquement pour cultiver mon courroux. Eh bien maintenant, vous avez la guerre que vous désiriez. Faites-la avec tout le courage qui est le vôtre. À l'écoute de sa voix, les troupes de guerriers resserrèrent les rangs. Et comme les pierres d'un mur, les hommes se joignirent, bouclier contre bouclier, casque contre casque, homme contre homme. Ils étaient si serrés qu'à chaque mouvement, les cimiers se frôlaient dans les reflets des casques étincelants. Devant eux tous, Patrocle, sur le char, auquel Automédon avait attelé Xanthos et Balios, les deux chevaux immortels, rapides comme le vent, et Pédasos, cheval mortel et magnifique. Achille entra dans sa tente et souleva le couvercle d'un coffre splendide, tout ouvragé, que sa mère avait fait charger sur son navire pour qu'il l'emporte avec lui. Il était rempli de tuniques, de manteaux et de lourdes couvertures. Il y avait aussi une coupe précieuse qu'Achille seul pouvait utiliser et qu'il n'utilisait que pour boire en hommage à Zeus et à nul autre dieu. Il la prit, la purifia avec du soufre, puis la lava dans une eau limpide. Il se lava les mains et enfin se versa le vin étincelant. Puis il ressortit et devant tous but le vin et les yeux tournés vers le ciel pria Zeus le très grand que Patrocle puisse combattre et vaincre et revenir, et nous tous avec lui. Nous tombâmes sur les Troyens à l'improviste comme un essaim de guêpes devenu enragé. Autour de nous, les coques noires des navires renvoyaient l'écho de nos hurlements. Ils criaient, Patrocle, seul devant nous tous, resplendissant sous les armes d'Achille. Et les Troyens le virent, étincelant sur le char à côté d'Automédon. Achille, crurent-ils. Et tout à coup la débandade s'empara de leur armée, et le trouble dévora leur âme. Le gouffre de la mort s'ouvrit sous leurs pieds qui cherchaient à fuir. La première lance à voler fut celle de Patrocle, jetée en plein cœur du tumulte. Elle frappa Pyréicmès, le chef des Péoniens, et le frappa à l'épaule droite. Il s'écroula dans un cri, et disparurent les Péoniens transis de peur, abandonnant le navire sur lequel ils étaient déjà montés et que pour moitié déjà, ils avaient incendié. Il fit éteindre le feu, Patrocle, puis s'élança vers les autres navires. Les Troyens ne lâchaient pas prise, ils reculaient, mais ils ne voulaient pas s'éloigner des navires. L'affrontement fut brutal et très dur. L'un après l'autre, tous nos héros durent livrer combat et faire plier l'ennemi. L'un après l'autre, les Troyens tombaient jusqu'à ce que ce fût trop, même pour eux, et ils commencèrent à se débander et à fuir, comme des agneaux poursuivis par une meute de loups féroces. Les sabots des chevaux élevèrent jusqu'au ciel un nuage de poussière quand ils se mirent à galoper. Ils fuyaient dans les hurlements et le tumulte couvrant à l'horizon toutes les issues. Et là où leur fuite était la plus dense, Patrocle tombait sur eux, criant et tuant. Nombre d'hommes succombèrent de sa main, nombre de chars se renversèrent avec fracas. Mais la vérité, c'est qu'il voulait Hector, dans son cœur, en secret. Il cherchait Hector pour son honneur et sa gloire. Et il le vit, à un moment au milieu des Troyens, qui pour fuir essayaient de retraverser le fossé. Il le vit et se mit à le poursuivre. Autour de lui, il y avait des guerriers qui fuyaient partout. Le fossé ralentissait leur course, rendait tout plus difficile. Les timons des chars des Troyens sautaient et les chevaux se sauvaient au galop, comme des fleuves en crue. Mais Hector, lui, avait l'habileté des grands guerriers et se déplaçait dans la bataille en écoutant les bruits des lances, le sifflement des traits. Il savait où aller, comment se mouvoir. Il savait à quel moment rester avec ses compagnons et à quel moment les laisser. Il savait comment se cacher et comment se montrer. Rapide comme le vent, ses chevaux l'emportèrent. Et Patrocle, alors, fit demi-tour et se mit à repousser les Troyens vers les navires. Il coupait leur retraite et les chassait vers les navires. Il voulait les encercler là et les exterminer. Il frappa Pronoros à la poitrine, laissé à découvert par le bouclier. Il vit Testor recroquevillé dans son char comme hébété et le transperça de sa lance, là, à la mâchoire. La pointe de bronze traversa le crâne. Patrocle releva sa lance comme s'il avait pêché un poisson. Le corps de Testor se souleva au-dessus de la rampe du char, bouche ouverte. Puis, avec une pierre, Patrocle frappa Érylaos entre les yeux. La tête à l'intérieur du casque se fendit en deux. Il tomba à terre, le héros. Et sur lui descendit la mort qui dévore la vie. Et elle dévora aussi les vies d'Erymas, Amphotéros, Épaltès, Tlépolème, Échios, Pyrrhus, Iphée, Évipos, Polymélos, tous par la main de Patrocle. Honte ! On entendit la voix de Sarpédon, fils de Zeus et chef des Lyciens. Honte ! Fuir devant cet homme, je l'affronterai, moi, cet homme, je veux savoir qui il est. Et il descendit de son char. Patrocle le vit et descendit à son tour. Il se tenait face à face comme deux vautours qui se battent sur un haut rocher, le bec recourbé, les griffes acérées. Lentement, ils marchèrent l'un sur l'autre. La lance de Sarpédon vola haut par-dessus l'épaule gauche de Patrocle, mais celle de Patrocle le frappa droit dans la poitrine, là où est enfermé le cœur. Sarpédon tomba comme un grand chêne abattu par les haches des hommes pour devenir quille de navire. Au pied de son char, il resta étendu, râlant et griffant de ses mains la poussière ensanglantée. Il agonisait comme un animal. Avec la vie qui lui restait, il se mit à invoquer son ami Glaucos. Il l'appelait et le suppliait. « Glaucos, ne les laisse pas m'enlever mes armes. Rassemble les guerriers lyciens. Venez me défendre, je serai votre déshonneur à jamais si vous permettez que Patrocle prenne mes armes, Glaucos. » Patrocle s'approcha, lui mit le pied sur la poitrine et arracha sa lance, tirant les entrailles avec et le cœur. Ainsi d'un seul geste, il enlève de ce corps la pointe de bronze et la vie. Pendant ce temps, Glaucos, courant de part et d'autre fou de douleur, appelait tous les chefs lyciens et les héros troyens. Sarpédon est mort, Patrocle l'a tué, courez, défendre ses armes. Et ils accoururent, saisis de la mort de cet homme qui était un des plus forts et des plus aimés des défenseurs de Troie. Ils accoururent et se rangèrent autour de son corps, Hector en tête et tous les autres pour le défendre. Il les vit arriver, Patrocle, et nous rassembla tous alors, et nous rangea face à eux en hurlant que si nous étions vraiment les plus forts de tous, c'était le moment de le prouver. Il y avait le corps de Sarpédon là, au milieu, Troyens et Lyciens d'un côté, nous, les Myrmidons de l'autre. Il y eut bataille pour ce corps et pour ses armes. Au début, ce furent les Troyens qui nous écrasèrent. Mais quand Patrocle vit ses amis autour de lui tomber sous les coups, alors il se jeta au premier rang. Et comme un épervier qui met en fuite corbeaux et étourneaux, il tomba sur nos ennemis et les chassa. De la terre s'élevait le vacarme du bronze, du cuir, des solides peaux de bœuf sous les coups d'épée et de lance à deux pointes. Aucun homme, si avisé fut-il, n'aurait pu reconnaître à présent le corps de Sarpédon, car de la tête aux pieds, il était entièrement recouvert de flèches, de poussière et de sang. Nous continuions à nous battre autour de ce cadavre comme les mouches dans l'étable qui bourdonnent sans trêve autour des seaux remplis de lait blanc. Et ce fut ainsi jusqu'au moment où Hector fit quelque chose d'étonnant. La peur avait peut-être saisi son cœur, je ne sais pas. Nous le vîmes monter sur son char et nous tournant le dos prendre la fuite en hurlant à tous de le suivre. Et tous, vraiment, le suivirent, abandonnant là le corps de Sarpédon et le champ de bataille. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Ils couraient vers leur ville. Quelques heures plus tôt, ils étaient sur nos navires et mettaient le feu à nos espérances, et à présent ils couraient en s'enfuyant vers leur ville. Nous aurions dû les laisser partir. C'était ce qu'Achille avait dit. Chassez-les des navires, mais ensuite arrêtez-vous, faites demi-tour. Nous aurions dû les laisser partir. Mais Patrocle ne réussit pas à s'arrêter. Grand était son courage dans son cœur. Et limpide le destin de mort qui l'attendait. Il se lança à leur poursuite et nous entraîna tous derrière lui. Il tuait sans s'arrêter, courant vers les remparts de Troie. Adreste, Autonoros, Echéclos, Périmos, tous tombèrent sous ses coups, puis Épistore, Mélanippos, Elasos, Moulios, Pilartès. Et quand il arriva aux portes scellées, dans son élan il se rua contre la tour, une fois, puis une autre encore, chaque fois repoussé par les boucliers brillants des Troyens, et une quatrième encore avant de s'avouer vaincu. Je regardais autour de moi à ce moment-là pour chercher Hector. Il semblait hésiter entre retirer l'armée à l'intérieur des remparts ou rester ici pour combattre. Je sais maintenant qu'il n'y avait pas de doute dans son esprit, simplement l'instinct du grand guerrier. Je le vis faire un geste vers Cébrion, son aurige, puis je vis son char se lancer au cœur de la bataille. Je vis Hector debout, droit sur son char, passer entre les guerriers sans même se donner la peine de tuer. Il fendait simplement la foule et se dirigeait droit sur Patrocle. C'était là qu'il voulait aller. Il le comprit, Patrocle, et sauta de son char. Il se pencha pour prendre sur le sol une pierre, blanche, aiguë. Et quand le char d'Hector fut à sa portée, il la jeta avec toute la force qu'il avait. La pierre frappa Cébrion, l'aurige qui tenait les rênes. Elle le frappa en plein front, l'os se fendit, les yeux tombèrent par terre dans la poussière, puis lui aussi tomba à bas du char. « Quelle agilité !» se moqua Patrocle. « Sais-tu quel pêcheur expérimenté tu ferais, Cébrion, si seulement tu plongeais dans l'eau aussi agilement que tu sais plonger de ton char? Qui donc disait que vous n'aviez pas de bons nageurs parmi les Troyens ?» Il riait, et il se trouva face à Hector. Comme deux lions affamés luttent sur la montagne, furieux pour une biche tuée, tous les deux commencèrent à se battre pour le corps de Cébrion. Hector avait pris le mort par la tête et ne le lâchait pas. Patrocle l'avait saisi par les pieds et tiré pour essayer de l'emporter. Autour d'eux éclata une lutte sauvage, Troyens contre Achéens, tous sur ce cadavre. Nous nous battîmes pendant des heures autour de cet homme qui maintenant était là dans la poussière, oublié des chars et des chevaux et de tout ce qu'avait été sa vie. Quand enfin nous réussîmes à repousser les Troyens, certains d'entre nous prirent le corps et le traînèrent loin de la mêlée pour le dépouiller. Mais Patrocle resta au cœur de la bataille. Il n'était plus possible de l'arrêter. Par trois fois, il se lança sur les Troyens, criant d'une voix terrible, et il tua 9 hommes. Mais quand pour la 4e fois il s'élança, tel un dieu, alors, Patrocle, nous vîmes tous brusquement apparaître la fin de ta vie. Ce fut Euphorbe qui te frappa par derrière entre les épaules. Il arriva sur son char se frayant un chemin dans la mêlée. Partout il y avait de la poussière, un énorme nuage de poussière. Tu ne le vis pas arriver. Il apparut comme surgi du néant brusquement derrière toi et tu ne pouvais pas le voir. Moi, je le vis, de près. Il te planta sa lance dans le dos. Te souviens-tu de Forbe, Patrocle? Te souviens-tu que nous le voyions dans la bataille et que nous commentions sa beauté, ses cheveux, qui retombaient sur ses épaules? N'était-il pas le plus beau de tous? Il te frappa au milieu de la mêlée, puis aussitôt il s'enfuit. Il alla se cacher parmi les siens par peur de ce qu'il avait fait. Patrocle resta immobile, stupéfait, les yeux renversés en arrière, ses jambes qui soutenaient encore son corps si beau, mais ne le sentaient plus. Je me souviens de sa tête qui bascule en avant après le coup porté, et de son casque qui tombe dans la poussière. Je n'aurais jamais imaginé ce casque, le voir souillé de poussière et de sang par terre, ce casque-là qui avait recouvert la tête et le beau visage d'Achille, homme divin. Je le vis rouler par terre entre les pattes des chevaux, dans la poussière et dans le sang. Patrocle fit quelques pas. Il cherchait quelque chose qui pourrait le cacher ou le sauver. Il ne voulait pas mourir. Autour de lui, tout s'était arrêté. Certaines morts sont des rites, mais vous ne pouvez pas comprendre. Personne n'arrêta Hector quand il s'approcha de lui. Dans la mêlée, il s'approcha de lui sans qu'aucun de nous ne sache l'arrêter. Il vint à un pas de lui. Puis de sa lance, lui transperça le ventre. Et Patrocle s'écroula à terre. Nous le vîmes tous cette fois s'écrouler à terre. Et Hector se penchait sur lui, le regardait dans les yeux et lui parlait. Dans ce silence terrifiant. Patrocle, tu croyais venir ici et détruire ma ville, hein? Tu te voyais rentrer chez toi avec ton navire plein de femmes et de richesses troyennes. Maintenant tu sais que Troie est défendue par des hommes forts et que le plus fort d'entre eux s'appelle Hector. Toi, tu n'es plus rien maintenant. De la nourriture pour les vautours. Il ne te sera pas d'une grande aide, ton ami Achille, aussi fort soit-il. C'est lui, hein, qui t'a envoyé ici. C'est lui qui t'a dit, Patrocle, ne reviens pas tant que tu n'auras pas ouvert la poitrine d'Hector et ensanglanté sa tunique. Et toi, imbécile, tu l'as écouté. Il était en train de mourir, Patrocle. Mais il trouva encore la force de parler. Tu peux bien te glorifier maintenant, Hector, parce que tu m'as vaincu, mais la vérité, c'est que mourir était mon destin. Ce sont les dieux qui m'ont tué, et parmi les hommes, le premier, c'est Euphorbe. Toi, qui viens de m'achever, tu n'es que le 3e, Hector. Tu n'es que le dernier de ceux qui m'ont tué. Et maintenant, écoute-moi, et n'oublie pas ce que j'ai à te dire. Tu es un mort qui marche, Hector. Rien n'arrachera de tes épaules ton horrible destin. Ce peu de vie qu'il te reste, Hector, Achille viendra et il te l'arrachera. Puis le voile de la mort l'enveloppa. Son âme s'envola et s'en alla chez Hadès, pleurant sa force et sa jeunesse perdue. Hector posa le pied sur la poitrine de Patrocle et tira sur sa lance de bronze. Le corps se souleva, puis, éventré, retomba dans la poussière. Hector resta là à le regarder. Il dit quelque chose à mi-voix. Puis, comme saisi d'une fureur, il voulut se jeter sur Automédon. Il l'aurait tué. Mais eux, Ils l'emportèrent avec eux, les chevaux rapides, les chevaux que les dieux donnèrent à Achille. Ils l'emportèrent loin des griffes d'Hector, de sa colère et de la mort. Moi, je mourus 2 ans plus tard, pendant le voyage pour essayer de rentrer chez moi, de Troie. Ce fut Néoptolème qui brûla mon cadavre. C'était le fils d'Achille. À présent, mes os reposent dans une terre dont je ne sais même pas le nom. C'est peut-être juste que les choses se soient terminées ainsi. De toute façon, je n'aurais pu en revenir de cette guerre, de ce sang, et de la mort de ces 2 enfants que je n'ai pas su sauver. Homère, Iliade, d'Alessandro Baricco. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Pierre Beau et Nora Krief. Musique originale, Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Cédric Aussire.